Kadris, aka Chiman, aka Buffa, aka Emerald. Ouais, c'est juste nous-mêmes. C'est juste nous-mêmes. 7-8, t'inquiète. Vas-y, puff, c'est juste nous-mêmes, on est là, on a le phrasé adéquat pour faire vérifier les petits peu adéquats pour la frime. Ok, 7-8 dans ton élan, cousin, on te ferait. C'est juste nous-mêmes. Les délires, on connaît, on vit à 100 à l'heure. Comme une voiture qui carbure, je te jure, la solidarité, c'est notre parole. Fuck Sarko, qui milite rageux en mode sarcane, hardcore avec l'alcool et le shit. C'est juste nous-mêmes. Comme une fille qui saigne à cause des règles naturelles, rapper, représenter, danser n'importe quand, je défonce comme Rocco, bien armé, je te la mets, je suis Barjo, fini le temps des Brigitte. Bardo, Emerald et son acolyte, c'est juste nous-mêmes. Au feeling et ma devise, les potes tu les comptes sur les 10 doigts, on se divise pas un métis. Un babtou dans ce monde de fou, c'est juste nous-mêmes. L'adrénaline de mes sauts, c'est mon dada can. Je reste vigilant comme Mandanda. Dans les soirées, je fais l'art avec le sga. On dit toujours Emerald sga et fêlé. Je suis un thug à vie, partout je fous les gens en transe. Je n'ai pas le temps de blaguer, c'est juste nous-mêmes. Je nique tout dans les sous-systèmes, c'est pour les frères et les sistas. Check ça, système. Outrace, je suis plus choquant qu'un contrôle stress. Si tu connais la suite en mode buzzer, presse. Mais si tu la connais pas, presse pas, prends pas la fuite, je te la raconte en mode soirée avec mon ro. Souvent on improvise, on se divise pas. Toi-même tu sais, c'est juste nous-mêmes. En mode fou rire, en mode mariole, c'est juste nous-mêmes. Les tectoniques, je les nique, je les bouffe, dédié à toi, the ouf. En boîte la nuit, le week-end, j'y suis, ouais. Quand il faut, avec mon ro, on crame la piste en transe, ça danse. Fonce dé, alcoolisé, ça chine, ça traque. Rome agricole, ça c'est de la frappe, t'inquiète, j'attrape. Buffa Edris, AKM Road, Chimal, toi-même tu sais, c'est juste nous-mêmes. Par le bout du nez, Hotman, 7-8, l'équipe, tu peux pas test. Je t'explique, toi tu critiques, mais moi j'avance. Sur ce, non, y'a pas de kick. Par contre, si tu m'insultes, cric-cric, je te nique sur ta zig. J'ai pas la trique, pourtant je gique. Au mic, je kick, ouais, je suis un sadique. Au big, j'écris mes textes. La rime, ça c'est mon tic, le fric, mon bide. Avec ma clique, mon acolyte. En place, pas de timinique, mon blast, Cédric, si tu kiffes pas, quitte ça. Ha! C'est juste nous-mêmes, gars. Ah, t'inquiète, on est là. Ok, ok. Buffa, Driss, Emerald, Timal. On est là. Comme tu veux, cousin. C'est juste nous-mêmes. Ah, 7-8, mec, t'inquiète, poto, on est là. Si, si.